11-28, observation, pronom personnel, me, te, nous, vous. Vous me trouvez bête? Je vous ennuie? Me et vous sont les compléments d'objet direct du verbe. Ce garçon m'ennuie. Il t'ennuie? Il nous ennuie. Il vous ennuie? Me, ou M'apostrophe, est un pronom personnel, objet direct de la première personne du singulier. Te, T'apostrophe, est un pronom personnel, objet direct de la deuxième personne du singulier. Nous est un pronom personnel, objet direct de la première personne du pluriel. Vous est un pronom personnel, objet direct de la deuxième personne du pluriel. Tableau récapitulatif des pronoms personnels objet direct. Elle me regarde. Elle te regarde. Elle le regarde. Elle la regarde. Elle nous regarde. Elle vous regarde. Elle les regarde.